d'espoir et son mouchoir. Je pourrais chanter tous les soirs. Ce soir, c'est ma destinée qui me pousse à les voir de l'autre côté. Vers la gloire. Je n'ai